Le parfum qui t'édit, la beauté de ton nom, ô mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois, tu peux, que je trouve à donner tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois de moi, ce parfum qui t'étudie, la beauté de ton nom, oh mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, Jésus, je t'aime. Que tu peux que je trouve à donner, Wapendwa tunaweza kushangilia Bwana. On acclame le Seigneur. Tunashangilia Bwana. Nous sommes en train d'acclamer. Fazali kushangilia. Les yeux des cieux ne peuvent pas contenir. Alléluia. Il est le Dieu, il est le roi, il est le seul qui mérite. Anakuwa Mungu mfalme ule namba ya nastahili. Il n'y a pas d'autre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous bénissons Dieu pour l'occasion qu'il nous donne encore ce soir. Tunabariki Mungu kwa wakati ambao anatupa tena jioni ya leo. De nous présenter debout devant vous. Ya kuweza tena kujitambulisha mbele zenu. Afin de parler de sa part. Ili tupate kuzungumza kwa upande wake. Nous ne serons pas ingrats. Atuwezi kuwa watu wasipo faida. Pour reconnaître juu ya kuweza kutambua la grâce que Dieu nous a accordée. Neema ya Mungu ambayo aliweza kutupa. Il a touché notre papa. Ikamgusa mzazi wetu. Pour qu'il nous accorde le micro. Ili apate kuturusu tupate kushika kibuyu. Qu'on passe à la chair. Tupande yule ya mimbara. Afin de parler de sa part. Ili tupate kuzungumza kwa upande wake. Nous disons merci à tous les serviteurs. Tunasema asante kwa watumishi wote. Les servantes. Vichakazi wote. Nous disons aussi merci. Tunasema tena asante. À vous peuple de Dieu. Kwenu nini taifa la Mungu. Parce que vous avez accepté d'être là. Kwa sababu muruweza kukubali kufika pa nafasi hapa. Parce que sans vous. Pasipo nyinyi. On n'aurait pas vraiment se présenter en ces lieux. Atungeweza kujitambulisha pa nafasi hapa. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Si vous pouvez aussi acclamer pour vous-même. Kama mnaweza tena kujipikia mikono nyinyi wenyewe. Deux Rois chapitre 4. Wafalme wa pili sura yake ya 4. Nous avons 7 versets. Tunakuwa na mistari 7 que nous allons lire. Ambao tutaweza kusoma. Une femme parmi celles de fils des prophètes. Mwanamke mmoja katikati ya wanawake wa nabii. Cria vers Élisée. Akamlalamikia Elisha. En disant. Akasema. Ton serviteur mon mari est mort. Mutumishi wako mume wangu amefariki. Et tu sais que ton serviteur craignait Dieu. Na unajua ya kusema mtumishi wako alikuwa anamogopa Mungu. L'Éternel. Wa milele. Oh, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Japo huyu wa kupinda ndeni wa kuleta ndeni anakuja kuchukua watoto wangu wawili na awafanye wakuwe watumwa. Élisée lui dit. Aliweza kumwambia. Que puis-je faire pour toi? Nini taweza kufanya kwa ajili yako? Indique-moi ce que tu as à la maison. Unioneshe yote ambayo unakuwa nayo nyumbani. Elle répondit. Akajibu. Ta servante n'a rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. Kichakazi wako ana chochote nyumbani isipokuwa chupa ya mafuta. Il dit alors. Akasema japo. Va demander au dehors des récipients chez tous tes voisins. Wende ukalombe nje vyombo kwa jirani wako wote. Des récipients vides. Vyombo vya wazi. Et n'en demande pas un petit nombre. Na usilombe kwa wingi kidogo. Quand tu seras rentré. Wakati utaweza kurudi. Tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Utafunga mlango kwako wewe na kwa watoto wako. Tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Na utaweza kujaza mafuta muvyombo hivi na utaweka pembeni ile itaweza kujaa tele. Alors elle quitta. Na hapa akaondoka. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Akafunga mlango kwa ajili yake na watoto wake. Il lui avançait des récipients et elle versait. Akamletea vyombo na akaanza kujaza. Lorsque le récipient fut plein. Wakati vyombo vilipata kujaza tele. Elle dit à son fils. Akasema na mwanae. Avance-moi encore un récipient. Onilete vyombo vingine. Mais il lui répondit. Naye akamjibu. Il n'y a plus de récipient. Hakuna tena vyombo. Alors l'huile s'arrêta. Na hapo mafuta ikasimama. Il alla les rapporter à l'homme de Dieu. Na akakwenda kufasiria kwa mtumishi wa Mungu. Et il dit. Na akasema. Va vendre l'huile. Wende uzishe mafuta. Et paye ta dette. Na ulipendeni yako. Et tu vivras toi. Na utaishi wewe. Et tes fils de ceux qui restera. Na watoto wako kwa ambayo itaweza kubakia. Amen. Amina. Dieu, nous bénissons ta parole. Bwana tunabariki neno lako. Que tu puisses nous éclairer. Upate tena kutufunulia. Par ton Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Parle à ce peuple. Sema na taifa lako. Donne-moi des mots. Utupe msemo. Qui vont fortifier. Itaweza kusubutisha. Qui vont enseigner. Itaweza kufundisha. Et qui vont convaincre. Na itaweza tena kutilia nguvu. À la gloire de ton Seigneur, nous te prions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amina. Amen. Amina. Nous sommes dans le sous-thème. Tunakuwa mukisina ndogo. Ne limite pas Dieu. Usimweke Mungu mipaka. C'est le sous-thème que notre papa a commencé à développer depuis le dimanche. Inakuwa nikisina ndogo kile mzazi aruweza kufasiria tokea mjuma. Et il nous a été donné de continuer toujours sur cette même lancée. Na iruweza kutupewa tupate kuendelea tu kwa hii kisina. Alors, qu'est-ce signifie l'expression ne limite pas Dieu? Inamaanisha nini musemo simweke Mungu mipaka? Nous devons savoir. C'est quoi ne limite pas Dieu? Tunapasha kujua kusimweke Mungu mipaka inamaanisha nini? Ne limite pas Dieu. Tusimweke Mungu mipaka signifie inamaanisha qu'il ne faut pas restreindre. Efazali hata kujikokota. La puissance divine. Uwezo ya Kimungu. Par des doutes. Kupitia mashaka. Ou par des pensées limitées. Hata kupitia mafikiri ya mipaka. Et qu'il ne faut pas. Na inafazali atakuyafanya. Disons et qu'il faut croire. Inafazali kuamini. En sa capacité. Kwa uwezaji wake. À réaliser des choses extraordinaires. Kwa kuweza kutimiza bitu bya mastajabu. Amen. Amina. Donc ne pas restreindre la puissance de Dieu. Atuwezi kukotata uwezo wa Mungu. C'est ce que signifie ne limite pas Dieu dans ta vie. Jo ile na manisha usimweke Mungu mipaka mu maisha yako. Bien aimé, il ne faut pas rétrécir Dieu dans ta vie. Apana kumshusha Mungu maisha yako. Dieu est si grand. Mungu anakuwa munene. Même les yeux des cieux ne peuvent pas le contenir. Ata ulimwengu wa mbingu hauwezi hata kumshika. Et devant ton problème. Na mbele ya tatizo yako. Dieu est si grand. Mungu anakuwa munene zaidi. Donner la solution à ces problèmes là-bas. Tu as kuleta jibu ku mambo yako. C'est pourquoi toi. Kwa maana wewe ne te mets pas à sa place pour raisonner. Apana kujiweka pa nafasi yake. Ne te mets pas à sa place pour réfléchir. Apana kujiweka pa nafasi yake cha kufikiri. Laisse Dieu agir en tant que Dieu. Umwache Mungu awaze na kutenda kama Mungu. Les pensées de l'homme sont limitées. Mafikiri ya mtu inakuwa na mipaka. Les pensées de l'homme sont limitées et ne peuvent rien apporter à l'homme. Mafikiri ya mtu inakuwa na mipaka na haiwezi kufanya kitu kwa binadamu. Wao nous dit ne limite pas Dieu. Jo hivi unatuambia tusimweke Mungu mipaka. Et on nous dit aussi, wanatuambia tena, cela encourage na hii inakuwa natilia tena kiasi, avoir une foi inébranlable. Kwa kukuwa na imani asipokutingizika. Donc celui qui ne limite pas Dieu. Kwa ule asimweke Mungu mipaka. Il peut se faire qu'il aura une foi qui sera inébranlable. Anaweza kuwa na imani ili aweze kuwa na mwisho na mvunjika. Une foi ferme. Imani ya nguvu kabisa. Une foi qui ne chancelle pas. Imani ile haiwezi kutingisika chochote. Une foi qui est tenace. Imani ile inakuwa ya kushikamana. C'est pourquoi on nous dit il ne faut pas limiter Dieu. Jo hivi wanatuambia tusimweke Mungu mipaka. Quand on ne limite pas Dieu, wakati tumweke Mungu mipaka, on est appelé à prier. Tunaitwa kukuomba. Mais on prie avec confiance. Tuko naomba na tumaini yote. Mais si on fait une prière. Wakati tunafanya ombi. Qui n'est pas basé sur une foi quelconque. Ile ailinganishwe na imani yoyote. Donc ça ce n'est qu'une récitation que nous sommes en train de faire. Inakuwa tu ni misemo ya bure ambayo tunakuwa tukisema. La prière que nous devons faire. Na maombi ambayo tutaweza kufanya. Lorsque nous ne voulons pas limiter Dieu. Wakati tupende kumtilia Mungu mipaka. C'est la prière que nous devons faire avec confiance. Ni maombi tutafanya na tumaini yote. Et lorsqu'on fait cette prière avec confiance. Na wakati tutafanya ile maombi na tumaini. On doit aussi avoir une vision positive. Tunapasha kuwa na onyo ya usawa. Laquelle vision positive sera portée sur soi-même? Na ile onyo ya usawa inapasha kuwa ndani yako mwenyewe. Sera portée aussi sur l'avenir. Na itaweza kuleta takujio. Si nous lisons le chapitre ici. Wakati tunasoma imaandiko. Avec ces quelques versets. Pamoja na mistari yake. Vous allez voir que cette veuve. Mutaona kusema umujane. Son mari n'a pas travaillé pour l'avenir. Mume wake asikuweza kutumika kwa ile itaweza kuja. Il pouvait considérer seulement le présent. Arianza kutazama tu ile ya sasa. Mais il n'a pas tenu compte de ce qui arrivera après. Lakini asikuweza kuhesabia kwa ile itaweza kuja baadaye. Malgré que sa femme avait témoigné de lui que non, il était un homme qui craignait Dieu. Ingawa mke wake aliweza kushuhudia kusema ni mtu alikuwa anaogopa Mungu. Mais il n'avait pas vraiment avancer avec sa vision pour voir ce qui arrivera après. Lakini asikuweze kuendelea na onyo yake juu ya kuona nini itaweza kufikia kisha. Il l'a laissé vraiment dans des dettes. Na ni vile aliweza kuacha katika madeni. A-t-elle enseigne? Paka vifundisha. Lorsque le créancier est venu. Wakati mtu wa kuleta ndeni aliweza kuja. Il devait même prendre donc les enfants. Aliweza hata kuchukua watoto. Parce qu'il y avait une dette que le mari avait laissée. Kwa sababu kulikuwa mandeni ile mume aliweza kuacha. Quand on a une vision, on doit faire une préparation. Wakati tunakuwa na onyo wapendwa na fasa tufanye matayarisho. Sans la préparation, on ne va pas vraiment atteindre sa vision. Pasipo matayarisho tuweze kufikia onyo. Et la vision dont nous parlons, c'est une vision positive. Na hii onyo iko na tuzungumzie na kwa ni onyo iko ya usawa. Comment tu te considères? Namna kani unakuwa ukijiona? Parce que la vision positive d'abord elle se porte sur soi-même. Onyo hii na kwa usawa iko naelekea kwanza kwa wewe mwenyewe. Donc tu te regardes toi-même. Ukunajitambua peke yako. Qu'est-ce que tu vaux par rapport à toi-même d'abord? Nini nakufai kulinganisha na wewe mwenyewe? Avant de projeter ce qui viendra dans l'avenir. Ili upate kutazama kwa ile itakuja mujio. Nous allons voir que dans la Bible, tuweza kuona ndani ya Biblia, les enfants d'Israël, watoto wa Israeli, beaucoup ne sont pas entrés en terre promise. Wengi hawakuweza kuingia mudongo wa Malako. Parce que ils se considèrent vraiment insignifiants. Kwa sababu waranza kuchona watu wasipobei. Ils disent que devant les ennemis, waranza kusema mbele ya wadui, nous étions comme des sauterelles. Tulikuwa kama wapancho. Amen. Bien-aimé. Wapendwa. Si tu te considères comme rien. Kama unajitambua kama mtu asina na bei na usitakuwa na kitu. Si ta vision kama onyo lako iko naona vitu donc ne représente vraiment rien pour toi na ioneshe kitu mbele yako, effectivement tu n'auras rien na uhakika au sitapata kitu. C'est Israélite ici. Awa wa Israeli, ils ont vu les ennemis, waliweza kuona wadu. Ils ont considéré les ennemis comme étant grands par rapport à eux. Mais ils ont oublié qu'ils sont l'éternel Dieu d'Israël. Et c'est Dieu ici qui pouvait vraiment combattre pour eux afin de réduire l'ennemi au silence. Mais regardez comment ils se considéraient. Ils se considéraient comme étant rien. Donc la vision. Onyo. Quelle est la vision que tu te fais par rapport à toi-même? Ni onyo gani unakuwa ukijifanyizia mbele yako? Quelle est la vision que tu fais par rapport à ta vie? Ni onyo gani unakuwa ukijionesha mbele ya maisha yako? Ce que tu es aujourd'hui. Kile unakuwa leo. Ce n'est pas ce que tu verras demain. Aina kile utakuwa kesho. Si aujourd'hui tu n'as pas. Kama leo hauna. Ne limite pas Dieu. Hapana kumwekea Mungu mipaka. Parce que Dieu continue à agir. Kwa sababu Mungu anaendelea kutenda. La Bible déclare. Biblia inasema. C'est Jésus qui parle. Ni Yesu yuko anasema. J'agirai. Nitatenda. Qui s'y opposera? Na nani atajipinza? Et mon père agit. Baba yangu yuko natenda. Moi aussi j'agis. Nami pia niko natenda. Comme Jésus agit. Vile Yesu yuko natenda. Nous allons aussi agir avec lui. Naye tunapasha tutende naye. Il ne faut pas arrêter d'agir sur ta vie. Atuweze kusimamisha kwa maisha. Pour laquelle tu n'as pas sujet à les limiter dans ta vie. Nani hivi hauna na kisina ka kuweza kumsimamisha wa maisha yako. Mais nous avons besoin. Lakini tunahitajia. De regarder plus loin que notre nez. Ya kuweza kuangalia mbali zaidi adui wetu. De voir notre futur. Ya kuona ujio wetu. Quel sera notre futur? Nini itakuwa ujio wetu? Dieu te voit comme un petit Dieu. Mungu weko na kuona kama ka Mungu kaloko. Si nous allons dans le livre de Psaumes. Wakati tunaenda mkitabu kia Zaburi. Vous êtes des petits dieux. Anasema mnakuwa wa miungu kiloko. Vous êtes comme des princes quelconques. Lakini mnakuwa kama watu tu wa aina. Nous ne sommes pas n'importe qui. Hatuna watu wowote. Du moment où nous avons déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Wakati tuweza kumpokea Bwana kama Mungu na mfalme. Nous sommes des enfants de Dieu. Tunakuwa watoto wa Mungu. Dieu pour nous est un père. Baba anakuwa Mungu wetu. Et nous sommes pour nous des fils. Nasi tunakuwa wana. Que père kama baba, ne peut jamais vraiment refuser de donner de bonnes choses à ses enfants. Hawezi kukatala kuwapa watoto wake vitu vizuri. Kwa sababu nasema maandiko ya Mungu que vous êtes. Hivi watu mnakuwa. Vous avez donné de bonnes choses à vos enfants. Uruweza kuleta vitu vizuri kwa watu wako. For what reason? Kwa namna kani sasa mimi? Baba yenu anakuwa juu mbinguni. Ne peut pas donner de bonnes choses. Asiweze kumipa vitu vya bei kwa wale wako na mlomo. Kama mtoto wa Mungu. Un père formidable. Unakuwa na baba wa mastaajabu. Un père qui n'est pas comme n'importe quel père. Unakuwa na baba sina kama baba wote. Ordinaire. Ashina baba tu wa kawaida. Extraordinaire. Anakuwa ni baba wa mastaajabu. Continue à compter sur lui. Na tunaendelea kumtumainia. Il continue encore à donner. Kwa sababu anaendelea kuleta. Anaendelea tena kuweka. Et te donnera toujours. Na atakukaburia kila mara. Ne te considère pas étant comme petit. Apana kuchiona kama mdogo. Ne te considère pas comme étant une sauterelle. Na apana kuchiona kama pancho. Ne te considère pas comme étant un dieu. Lakini uchione kama Mungu. Déclare, kwa sababu Biblia inatangaza. Créons notre image. Tuumbe mtu kwa picha yetu. Notre ressemblance. Na kwa mfano wetu. Bien-aimé, on ne ressemble pas à un homme, on ressemble à Dieu. Atufananake na mtu tunafanana kama Mungu. Parce que c'est Dieu qui nous a créé. Ni Mungu alituumba. Nous sommes façonnés selon son modèle. Na aliweza kutunga kulinganisha na ile picha nakuwa nayo. Ni picha ya Mungu. Ton modèle n'est pas terrestre. Picha yako tout ça, Parce que ta vision doit être grande. Kwa sababu onyo yako inapashikwa kubwa. Amina. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nini ambayo tunapasha kufanya? On nous dit, il ne faut pas limiter Dieu. Wanatuambia tusimweke Mungu mipaka. Il ne faut pas limiter Dieu en se contentant de si peu. Tusimweke Mungu mipaka kwa kufurahikia na ile kiloko. N'arrêtez pas Dieu. Tusimsimamishe Mungu. Laissez Dieu être Dieu. Tumwache Mungu abakie Mungu. Alléluia. Amina. Laissez Dieu être Dieu. Tumwache Mungu abakie Mungu. C'est-à-dire Dieu doit prendre sa place dans ta vie. Inamaanisha Mungu sharti achukue fasi yako maisha yako. Wewe potea. Et que lui puisse occuper tout l'espace de ta vie. Na yeye apate kuchukua mazingira yako yote ya maisha. Le maître de temps. Anakuwa ni Mungu wa wakati na Mungu wa majira. Dieu doit occuper tout l'espace de ta vie. Mungu anapasha kubeba fasi yote ya maisha yako. Occuper ton cœur. Anapasha kuchukua moyo wako. Il faut pas l'arrêter. Ndio hivi tupana kumsimamisha. Nous devons faire quoi? Tunapasha fanya nini? Nous devons lui laisser sa place. Tunapasha kumwachia fasi yake. Ne limite pas Dieu. Hapana umwekea Mungu mipaka. N'arrête pas Dieu dans ta vie. Usimsimamishe Mungu maisha yako. Laisse-le agir comme Dieu. Na umwache atende kama Mungu. Toi, sois comblé de lui. Na wewe upate kuchazwa kwake. Comblé de Dieu. Kama unachazwa na Mungu. Tes pensées. Hata fikiri yako. Ne faut pas limiter Dieu. Aista mwekea Mungu mipaka. Tes pensées vont permettre à Dieu d'agir dans ta vie. Mipaka yako itamruhusu Mungu atende maisha yako. Parce qu'il agit encore. Baki eko pala anakuwa anatenda tena. Le verra s'accomplir parce que Dieu est toujours fidèle, il n'est pas un homme pour mentir. Asina muntu juu ya kudanganya. Si vous voulez réellement kama munapenda hakika exprimer la volonté de Dieu kuishi tu uwepo wa Mungu pour votre vie ndani ya maisha zenu, vous devez vous voir. Unapasha kujitambua. C'est comme Dieu vous voit. Vile Mungu anamiona. Alléluia. Amina. Il faut se voir comme Dieu vous voit. Unapasha kujiona vile Mungu yuko nakuona. Quelle est la considération que Dieu a par rapport à vous? Ni onyo kani le Mungu anakuwa nayo mbele zenu. Dieu vous dit que vous n'êtes pas n'importe qui. Mungu anamwambia amuna watu wote. Vous valez plus que même les passereaux. Munakuwa ya bei kulinganisha tena ile mkubwa. Vous valez plus que même l'herbe qui est dans le champ. Munakuwa ya bei kulinganisha hata ile anakuwa ndani ya mashamba. C'est la considération que Dieu porte envers nous. Inakuwa ni ile bei Mungu yuko naonesha mbele yetu. C'est pourquoi nous n'avons pas sujet à les limiter dans notre vie. Na ni hivi hatuna na kisina cha kumwekea mipaka maisha yetu. Aujourd'hui tu n'as pas mais demain tu auras. Leo hauna na kitu kesho utakuwa na kitu. Cette veuve ne pensait pas que vraiment un jour un miracle allait se produire dans sa vie. Umujana sikuanza kufikiria kusema siku moja miujiza itafika maisha yake. Il aurait fallu que un homme de Dieu passe par là. Ifazali mtumishi wa Mungu apate kupita pake. Bien-aimé, si Dieu passe par ta vie. Mpendwa kama Mungu anapita pa maisha yako. Le miracle va s'accomplir. Miujiza itatimilika. Et ce soit si tu es là. Na imangaribu kama uko hapa. Accepte que Dieu passe par toi. Ichika Mungu apite kwako. Comme Elisha était passé chez les veuves. Vile Elisha alipita kwa mjane. Vraiment, c'est Dieu passe par toi pour que tu vives les miracles. Na Mungu apite hakika kwako ile uishi miujiza. Ce n'est pas seulement demain, même maintenant tu peux vivre ces miracles. Haina paka kesho ni paka leo unaweza tena kuishi miujiza. Quand Élisée est venu dans la maison de cette femme. Wakati Elisha alifika mnyumba wa mwanamke. Miracle n'a pas attendu. Miujiza ikuweza kungojea. Miracle était instantané. Miujiza ilikuwa kwa ghafla. Et ce soir nous prions vraiment que ces miracles puissent s'accomplir. Na hii mangaribu tunaomba ili pate kutimilika. Parce que Dieu. Kwa sababu Mungu. Il est capable. Eko na uwezaji. De résoudre chaque problème de ta vie. Ya kujibu kumambo yote maisha yako. Et il ne peut être limité par aucune limite humaine. Na siweze kutilia mipaka kwa mipaka ya binadamu. Amen. Amina. Aucune limite humaine ne peut vraiment empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Hakuna mpaka wa kibinadamu inaweza kumzuiza Mungu apate kutenda maisha yako. Quand Dieu agit. Na Mungu wakati yuko natenda. Nous allons le voir dans 5 points. Tutaiona manukta tano. Premier point. Nukta ya kwanza. Lorsqu'on ne veut pas limiter Dieu dans sa vie. Wakati atupende kumzuiza Mungu maisha yetu. On ne veut pas le limiter. Jioni na tupende mwekea mipaka. La première des choses. Kitu kya kwanza. Dieu n'est pas limité par le temps. Mungu asiwekewe mipaka kuinimaanisha wakati. Amen. Amina. Le temps ne peut pas limiter Dieu. Wakati haiwezi kumwekea Mungu mipaka. Le temps que tu traverses. Wakati ambao unakuwa ukipita. Le temps de difficulté. Wakati unakuwa hivi. Le temps de problème. Wakati ya mambo. Ce temps ne peut pas limiter Dieu. Ile wakati haiwezi kumwekea Mungu mipaka. Amen. Amina. La Bible déclare. Biblia inatangaza. Il donne des ordres à la terre. Eko na leta maagizo kwa udongo. Sa parole court avec vitesse. Na neno lake kunaenda kwa haraka. Dans d'autres versions on dit ceci. Mutafsiri wengine wanasema hivi. Il envoie sa promesse. Eko na tuma maahidi yake. Et sa parole court avec rapidité. Na neno lake kunaenda kwa haraka. Dieu est capable. Mungu yuko na uwezo. De résoudre ton problème. Ya kujibia kwa mambo yako. En un instant. Kwa wakati tu mmoja. Que par rapport au temps que ça pouvait prendre si toi-même tu pouvais résoudre ces problèmes. Na wakati ilipasha kubeba kwa wewe mwenyewe kujibu ya kale mambo. Amen. Amina. La femme qui perdait tout le sang pendant 12 ans. Mwanamke alikuwa anapoteza damu kadiri ya miaka 12. Elle perdait le sang. Alianza kupoteza damu. Elle a passé beaucoup de jours. Alipitisha masiku nyingi. En train de voir le médecin. Kwa kuona waganga. 12 ans durant. Miaka makumi mbili. Aucune solution. Hakuna tajibu moja. 12 ans durant. Miaka makumi mbili. Sans guérison. Hakuna matunzo. Mais en un instant. Lakini kwa dakika tu moja. La guérison est venue. Upo matunzo uweza kufika. Le flux de sang a cessé. Hata na kutoka damu kuweza kusimamisha. À l'instant même elle a été guérie. Na kwa wakati mmoja mmoja alipata matunzo. Nous disons. Na ni pale tunasema. Dieu ne peut pas être limité par le temps. Mungu asiweze kuweka mipaka kulingana na wakati. Dieu par ton temps à toi. Usimwekee Mungu mipaka kulingana na wakati yako. Ton temps à toi. Acha ile wakati yako. À côté. Pembeni. Mais viens vers Dieu. Lakini kucha kwa Mungu. Cette femme. Umwanamke. Avait passé tout son temps ailleurs. A répétisha wakati. Mais lorsque c'était résolu, si elle revenait auprès de Christ, et que j'ai touché seulement les pans de sa robe, je serais guérie. Et elle était guérie. Bien-aimé, Dieu n'est pas limité par le temps. Quel que soit le moment que tu as passé dans la souffrance, la Bible déclare, les souffrances présentes ne seront pas vraiment à comparer avec la gloire à venir. Na utukufu unaokuja. Kuko utukufu kunakuja. Dieu va faire en sorte que tu entres dans cette gloire. Et Mungu atafanya upate kuingia mwele utukufu. Kitu kia pili. On nous dit, wanatuambia, il n'est jamais en manque. Akuya pusaka kitu, asia kuwaka mkupusa kitu. Dieu n'est jamais en manque. Mungu asia pusaka kitu. Amen. Amina. En d'autres termes, mukusema kwingine, il n'y a rien qui peut manquer à Dieu. Hakuna kitu kinaweza kupusa kwa Mungu. Quelle que soit ta demande, ingawa kulombi kwako, s'il entre dans son dépôt, wakati anaingia tu mwakiba yake, même si vous êtes 1000, hata kama mnakuwa 1000, pour la même requête, kwa jambo la moja, Dieu va vous servir tous. Mungu anaweza kumipa nyinyi wote. Alléluia. Amina. Vous demandez tous la même chose. Mukuna lomba nyinyi wote kitu kimoja dans son dépôt. Mwili akiba yake. Si ce sont les véhicules. Kama inakuwa ni magari. Si ce sont les habits. Kama inakuwa ni mavazi. J'ai une garde-robe ici. Anasema niko na garde-robe hapa. Tu as demandé la robe. Wewe ulomba kanzu. Tu as demandé la robe. Wewe ulomba kanzu. Je vous donne toutes les robes. Na mipa nyinyi wote makanzu. Si ce sont les véhicules. Il entre dans son dépôt. Je vais satisfaire tout le monde. Anasema nitaweza kumpa kila mtu. C'est un Dieu providence. Anakuwa ni Mungu wa akiba. Bien aimé, notre Dieu a une provision. Mpendwa Mungu wetu anakuwa na akiba. La provision de Dieu elle est intarissable. Na hii akiba ya Mungu aishe kama. La provision des hommes. Lakini akiba ya watu. Lorsque tu reviens pour la deuxième fois. Wakati unarudia mara ya pili. L'homme va te dire je n'ai rien. Mtu atakwambia sina tena kitu. Il va t'aider pour la première fois. Kama atakusaidia kwa mara ya kwanza. La deuxième fois. Mara ya pili. Il va commencer à te faire tourner comme un garçon de course. Ataanza kukuzungurusha kama mtoto kidogo. Lakini Mungu, le véritable responsable, huyu Mungu mkubwa, il ne peut pas te faire marcher comme un garçon de course. Asiweze kukutembeza kama mtoto kidogo. Auprès de lui, wakati unakuja kwake, la chose dont tu as besoin, lorsque tu exprimes ton besoin, kitu unahitajia kile unalomba itajia. Il va te donner. Atakupa. Dieu n'est pas limité. Il est Dieu providence. Son dépôt subsiste à toujours. C'est Dieu ici. Uyu Mungu, il va sera en sorte atafanya kila mara, que tu puisses toujours avoir. Il upate kila mara. Parce que lui, il en a toujours. Kwa sababu yeye anakuwa nayo kila siku. Rappelez-vous d'Abraham. Kumbukeni Ibrahimu. Dieu réclame Isaac. Mungu akona chemin faisant. Abraham était prêt de sacrifier son fils. Ibrahim alikuwa tayari akutoa mtoto wake. Mais Dieu lui dit, ne mets pas ta main sur l'enfant. Regarde là-bas. Alléluia. Regarde là-bas. Tazama uko. Il y a quoi? Kuko nini? Dieu s'était déjà pourvu. Mungu alikuwa shakurita. Il avait déjà un bélier. À la place d'Isaac. Ce n'était pas Isaac qui allait être sacrifié sur l'autel. Aikuko tena Isaac alipasha kutolewa kwa madhabahu. Lakini ilikuwa ni uko ndo mwanaume. Dieu s'était déjà réservé. Mungu l'animal qui devait être immolé. Ce n'était pas Isaac. Le sang qui devait couler. Ce n'était pas le sang d'Isaac. Mais c'était le sang du bélier. Voyez comment notre Dieu, il est responsable. Il l'a toujours. Et dans son dépôt, il y en a toujours. Et c'est pourquoi quand tu viens auprès de lui, il ne faut pas les limiter. Il faut les considérer comme un Dieu qui possède tout. Comme un Dieu qui a tout. Parce que Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel, sur la terre. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Tout ce que nous avons ici sur terre, il y a un responsable. Le responsable primaire, c'est l'éternel notre Dieu. Et tout comme tu lui appartiens, quand tu vas auprès de lui, il ne peut pas te refuser. La Bible déclare, il ne refuse aucun bien à ceux qui le lui demandent. Lorsque tu lui demandes, la chose vous l'aurez parce que c'est lui qui donne. Que Dieu soit loué. La troisième des choses, on nous dit il n'a pas peur de l'ennemi. Pourquoi nous ne devons pas limiter Dieu? Parce que Dieu n'a pas peur de l'ennemi. Moïse dit au peuple d'Israël, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus encore. Alléluia. Nous allons lire Exode 14, verset 13. Exode 14, le verset 13. La Bible dit ceci. Moïse répondit au peuple, soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pourquoi nous ne devons pas limiter Dieu? Comme Dieu n'a pas peur de l'ennemi, il nous invite aussi à ne pas vraiment trembler devant l'ennemi. Même s'ils sont nombreux n'importe comment, la Bible déclare, 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Alléluia. Même s'ils viennent en grand nombre, en tout cas, j'aime la parole de Dieu. La Bible déclare, avec Dieu, je me précipite sur une tour en armes. Ils ont des armes. Mais toi, tu n'as, l'arme que tu as, c'est la prière. Avec cette arme, tu vas terrasser l'ennemi. David, sur le terrain de bataille, un tout petit, devant les grandes personnes, même le roi est incapable de sauver le peuple. Mais il s'est dit, moi je vais avancer. Au nom de l'Éternel, deux armées. David a compris que celui qui est en moi est plus fort que le diable qui est dans ce monde. Celui qui est en moi est plus fort que cet homme, cet incirconcis. Alléluia. Amina. Les Égyptiens voulaient vraiment s'en prendre aux Israélites. Mais Dieu les a précipités. Il a ouvert la mer. Il a fendu la mer en deux. Voulant passer, il a renfermé la mer. Et Pharaon et ses cavaliers, ses troupes, ont été engloutis par les eaux de la mer. C'est là où il est dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui ne vont plus jamais. N'aie pas peur de ton ennemi. Même s'il est en face de toi, même s'il est armé, avec ton Dieu, vous ferez des exploits et vous allez renverser cet ennemi. Il ne vous fera absolument rien. C'est pour laquelle nous avons sujet tunakuwa na kisina à ne pas limiter Dieu. Kya kutokumwekea Mungu mipaka. Dieu n'a pas de limite. Mungu asina na mipaka. Il est Dieu. Eko Mungu. On doit le prendre comme il est. Tunapasha kumubeba vile anakuwa. Parce qu'il va agir. Kwa sababu atatenda. La quatrième des choses. Na kitu kya ine. Il n'est pas limité par des doutes. Asiweze kuwekewa na mipaka kulinganisha na mae. Nous avons donné la signification de cette expression que papa nous a donnée. Ne limite pas Dieu. Nous avons dit ceci. Cette expression signifie qu'il ne faut pas restreindre la puissance divine par des doutes. Bien aimé. Si nous entrons dans la parole de Dieu, dans Matthieu 14, 30, comment Jésus conçoit la notion de doute? Le doute pour Jésus, c'est quoi? Matthieu 14, 30. La Bible déclare: mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Amen. Amina. Si nous continuons verset 31, aussitôt Jésus étendit la main, na, japo pale mu, Yesu akamnyoshia mkono, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Amen. Amen. Amen. Le doute, mashaka, c'est le manque de foi. Inakuwa ni kupusa kwa imani. Et le doute, mashaka, il est à même de limiter Dieu. Inako na leta kumwekea Mungu mipaka. C'est pourquoi nous avons dit, jo hivi tunaweza kusema, il n'est limité que par des doutes. Pierre, Petro, ensemble avec les autres disciples, ils sont dans la barque. Ils voient Jésus venir. Ils pensaient vraiment affaire à un fantôme. Or, pas c'était Jésus. Et Pierre dit à Jésus: si c'est toi, ordonne que je vienne là où tu es. Jésus lui permet de venir là où il est. Pierre entre dans l'eau. Petro anaingia katika maji. Il fait le premier pas. Anafanya mguu wa kwanza. Il fait le deuxième pas. Anafanya mguu wa pili. Lorsqu'il regarde là où il partait, wakati anatazama kule anaanza kwenda, il se dit: je vais me noyer. Anasema hapa nitazama. Bien aimé, le regard, wapendwa, utambulisho, peut nous pousser au naufrage. Inaweza kuturuhusu tupate kuzama. Le regard kutangazama tu peut nous pousser aux échecs. Inaweza kutonde kutupeleka tupate kushinda. Là où tu regardes, kule uko naangalia, fais attention. Keba ange, tu regardes où? Uko naangalia wapi? Parce que Pierre, kwa sababu Petro, il fallait qu'il ait les yeux fixés sur Jésus. Ipasha kuwe na macho yake nyo kumwangalia Yesu. Quand il avait les yeux fixés sur Jésus, wakati alikuwa na macho kumwangalia Yesu, il marchait, alianza kutembea, il allait vers lui. Na alianza kwenda kule alikuwa. Lorsque il a dévié le regard, wakati aliweza kugeuza macho yake, il a commencé à s'enfoncer. Akaanza kuzama. Bien aimé, le doute, mashaka, n'est pas une bonne chose pour nous. Aina kitu kizuri kwa ajili yetu. Quand tu pries, wakati uko naomba, nous avions dit faut prier avec confiance. Tulisema na fadhali kuomba na tumaini yote. Apana kuwa na mashaka. Tu as besoin de quelque chose. Wakati unaanza kuomba vitu. Que Dieu t'aide pour la délivrance de tes enfants. Mungu akusaidie kwa ufungulivu wa watoto wako. Que Dieu guérisse tes enfants. Mungu aponye watoto wako. Que Dieu te guérisse. Mungu akuponye. Il y a une maladie. Hata magonjwa. Qui te perturbe. Iko na kuzuru. Même pour chanter. Hata kwa ajili ya kuimba. Tu as du mal à te tenir debout. Unakuwa na shinda hata kusimama bure. Mais si tu ôtes les doutes de toi, kama tu unatosha mashaka ndani yako. Bien-aimé, mpendwa, tu vas travailler. Utatumika. Je me rappelle pendant les licitador. Nakumbuka kadiri ya licitador. Bien-aimé, à un certain moment, kwa wakati mwa fulani, je sentais comme des douleurs dans mes jambes. Haranza kusikia na maumivu ndani ya miguu. Et j'avais peur. Alikuwa naoga. Je me disais: Seigneur, haranza kusema Bwana, fais-moi grâce. Unifanyie konema. Que le rhumatisme, ii miguu yangu isi, ne m'atteigne pas. Isipate kunigusa. Parce que je dois te servir. Kwa sababu napata kutumikia. Je me suis lancé dans la campagne licitador cette édition. Nilipata kuchingiza nami mulikasitador. On allait ça et là. Tulianza kwenda mali pote. Maison porte à porte. nyumba kwa nyumba, mlango kwa mlango. Mais aujourd'hui, lakini leo, ces douleurs-là, ile maumivu, je ne les ressens plus. Sisikie tena. Pourquoi? Jua nini? Parce que nous sommes, je suis allé vers le Seigneur. Kwa sababu nirenda mbele kwa Bwana. Si tu t'engages dans l'œuvre de Dieu, upendo kama unachielekea mkasa Bwana, Mungu atakutunza. N'aie pas doute. Hapana kuwa na mashaka. Ne te dis pas je suis malade. Hapana kusema niko mgonjwa. Donne cette maladie à Jésus. Leta ile magonjwa kwa Yesu. Kwa sababu alisema, à la croix, kumusalaba, il s'est chargé de nos douleurs. Aruweza kujielekea na maumivu yetu. Nakona uweza tes douleurs dans les jambes. Ya kushika maumivu kwa miguu. Faire en sorte que tes jambes soient solides. Na kufanya miguu yako ikue ya kushikamana. Atakwenda kundana shamba lake na kufanya kazi kwa ajili yake. Dieu est puissant, il est capable. Mungu anakuwa uwezo na uweza yote. Donne à lui. Kama unachipeleka kwake. Il est puissant pour le faire. Eko na uwezo kwa ajili ya kuyafanya. Anasema Dieu est capable. Mungu eko na uweza. Lorsque il veut répondre à un besoin. Wakati anatamani kujibia kuhitaji. Il veut donner réponse à un problème. Wakati anapenda kuleta jibu kwa mambo. Il peut accélérer ta guérison. Anaweza kuharakisha matunzo yako. Capable. Mungu eko na uweza. Il voit qu'il y a son intérêt. Wakati anaona mnakuwa faida yake. Que tu veux prendre. Ili unapenda kumechukua. Ataweza kuharakisha matunzo. Mais c'est qu'il a besoin de toi. Lakini ile anahitaji kwako. Entre dans son champ. Ingia ndani ya shamba yake. Alléluia. Amen. L'église sous féconde a besoin de toi. Chemchem la usawi inakuhitaji. Il y a beaucoup de place. Kuna mafasi nyingi. Jésus envoie les disciples. Yesu anatuma wanafasi. Deux à deux. Wawili kwa wawili. Je vous envoie là où vous n'avez pas semé pour moissonner. Niko na mituma kula mkuweza kupanda ili mpate kuvuna. Amen. Amen. Donc nous sommes appelés. Tunaitwa à être debout. Ya kusimama. Et Jésus. Na Yesu. Il est notre modèle. Ule anakuwa picha yetu. Lorsque Pierre, wakati Petro, a crié, aruwesa kulalamika, Jésus ne l'a pas laissé s'enfoncer. Yesu asikumwacha apate kuzama. Mais lui a tendu la main. Lakini alimunyoshia mkono. Mais c'est que je sais. Kile najua. Je ne sais pas la distance qui séparait Pierre et Jésus. Sijue urefu ligawanya Petro na Yesu. Mais comment était sa main? Lakini aruwesa kunyosha mkono wake. Je ne sais pas la distance. Sijue urefu. Mais Dieu peut se sauver. Yesu anapenda kuokoa. Amen. Amina. Une fois j'ai à Kansai où nous étions, ma fille aînée, binti mwanamke wangu wa kwanza, quand elle était encore bébé, wakati alikuwa mtoto mchanga, moi je faisais un rêve. Nilianza kufanya ndoto. Entre moi et l'enfant, entre nous parents et l'enfant, katikati ya wazazi na baba na watoto, il s'était créé un fossé. Kuruweza kuwako njimu moya. Et puis ce fossé c'était devenu comme une rivière, une grande rivière. Na ile njimu iruweza kufanyika na kuwa kama maji kama bahari kubwa. Et nous sommes vus, moi et sa maman d'un côté et la fille de l'autre côté. Turuweza kujiona mimi na mama yake ngambo ingine na mtoto naye ngambo ingine. Et l'enfant voulait venir là où nous étions. Na mtoto aranza kutamani avuke huko situlikuwa. Tout d'un coup j'ai dit à l'enfant non. Arrête moi-même, je vais te prendre. Kwa ghafla nikasema kwa mtoto bakia mimi mwenyewe nitakucha kuchukua. J'ai pris ma main s'allonger. Niliona mkono wangu kunyoka. J'ai pris l'enfant à l'autre bord. Nikachukua mtoto sehemu nyingine. Là où nous étions. Na nikamuleta huko sisi tulikuwa. Tout d'un coup. Na kwa ghafla tu. Je suis réveillé. Nikashtuka. L'enfant était sur le genou de sa maman. Mtoto alikuwa kwa magoti ya mama yake. Avec une fièvre terrible. Alikuwa hata na mwili moto ya nguvu zaidi. Tuliomba. Vers 5h du matin. Kadiri ya 5h du matin. Nikaona mwanamke nous étions en train de prier avec quelqu'un là. Tulianza kuomba na mtu mmoja. Alors une dame qui vient. Nikaona mama yake anakuja. Oh, on dit aujourd'hui il ne faudrait pas que maman et l'enfant passent nuit ici. Barisema leo mama na mtoto hapana basi lale hapa. Il faut les amener à Likasi. Ifaa kuwarudisha kule Kulikasi. Tout d'un coup un collègue. Na nikasumbura tena rafiki. De travail. Wa mkazi. Qui vient aussi. Naye anakuja. Presque au même heure. Pa kwa dakika moja moja. On s'appelait master. Tulianza kujita tu rafiki. Master. Sema rafiki. En tout cas, j'ai mal rêvé concernant ton enfant. Niruweza kulota mubaya kwa ajili ya mtoto wako. Mais moi je préfère. Lakini mimi natamani. Lorsque le directeur qui contrôle paie à son âme. Wakati ile ilianza kuelekea kwa nafsi yake. Il doit déposer ses enfants ici comme c'était une école interne. Ilikuwa ni kwenda kupeleka watoto vile ilikuwa ni majifunzo mbali. Précipite maman et le bébé à Likasi. Sasa arakisha mtoto na mama kulikasi. Vous voyez comment Dieu parle. Munaona gisikani Mungu anasemaka. Dieu montre. Mungu anaonesha à trois personnes. Anaonesha watu watatu. C'est pour dire que Dieu est au contrôle. Ni kusema Mungu anakuwa kwa uchunguzi. Situation là. Ali yako ile. Dieu n'est pas distrait. Mungu asini asilale hapana. Mungu yuko naona. Et en dernière position. Na ya mwisho. Nous allons voir. Tutaona. L'autosuffisance. Kupusiwa. Ce qui peut limiter Dieu. Kile kinaweza kumzuiza Mungu. C'est l'autosuffisance. Ni kutotu kusufiwa. Nous allons lire. Tutasoma. Deux rois. Wafalme. 2 Rois, chapitre 4. Wafalme sura ya 4. Nous sommes au 6e verset. Tunakuwa ku mstari wa 6. Lorsque les récipients furent pleins, wakati vyombo vilipata kujazwa, elle dit à son fils, akasema na mwanae, avance-moi encore un récipient. Uniwekee tena vyombo vingine. Mais il lui répondit, na yakajibu, il n'y en a plus de récipients. Hakuna tena vyombo vingine. Alors l'huile s'arrêta. Na hapo mafuta ikasimama. Amen. Amina. Alors l'huile s'arrêta. Na hapo mafuta ikasimama. L'autosuffisance. L'autosuffisance. Kutokuzidiwa. Kujenesha. Kutokujenesha. Alléluia. Amina. Bien-aimé. Wapendwa. Nous sommes comme des vases. Tunakuwa kama vyombo. Il faut laisser Dieu te remplir. Inafasali tumwache Mungu apate kubijaza. Faut pas te remplir toi-même. Hapana kudijaza mwenyewe. Parce que c'est lui qui se remplit. Ule kuna dijaza. Il se sent vraiment suffisant. Eko na jiona sana inesha vyote. Il pense qu'il est déjà arrivé. Sema anafika. Et il n'a pas besoin de Dieu dans sa vie. Na sitajie tena Mungu maisha yake. Amen. Amina. Et c'est pourquoi parfois nous manifestons certains comportements qui irritent parfois Dieu. Quelqu'un peut être chez lui à la maison. Il regarde quand il sonne 18h. Quand il sonne 18h, c'est maintenant qu'il vient à l'église. Parce que il pense déjà arriver. Bien aimé, cette femme, le prophète Élisée lui dit, Nabi Elisha na mambia, va chercher les vases. Wendo tafute vyombo. Un plus grand nombre. Kwa hesabu nyingi. Elle a cherché. Aliweza kutafuta. Na lorsqu'elle a commencé à remplir. Wakati alianza kujaza. Elle n'avait qu'un seul flacon d'huile. Alikuwa paka na mtaimo wa mafuta. Kwa kujaza vikombe. Tous les vases étaient pleins. Vyombo vyote biliweza kujaa. Mais il s'est retrouvé avec 100 vases. Arichikuta pasipo vyombo vingine. Quand on se sent rempli, wakati tunajiona wenye kuzidiwa, tunaanza kumwekea Mungu mipaka. Dieu n'a pas encore à faire dans ta vie. Ni kusema Mungu asina na kia kufanya tena maisha yako. La marche continue. Na kusema mwenendo inaendelea. Alléluia. Amina. La marche continue. Mwenendo inaendelea. Nous venons d'une prière formidable. Tunatokea kwa maombi ya mastajabu. Pendant la journée. Kadiri ya pendant chana, la nuit. Usiku. Donc on devait garder le même rythme. Tulipasha kuchunga hata mwenendo moja moja. Ne soyons pas distraits. Tusikuwe katika mvurugo. Le train est en train de décoller. Mashua iko naenda. Peut-être vous ne le voyez pas. Sasa ingine nyinyi amuyaone. Vous ne le voyez pas bien. Mais nous nous sommes en train de le voir. Si tout qu'on a yaona. Il faut avoir les yeux spirituels. La façade qu'on a macho ya kiroho. Je ne sais pas comment vous pouvez aussi observer comme moi. Mais si Dieu qui scanne, munaweza kuona kama la parole passe le dimanche. Wakati neno napita mchuma. Je ne sais pas si vous, comment vous voyez l'onction. Si Dieu qui scanne, munaona upako. Que Dieu déborde dans la salle. Ile Mungu yuko na jaza ndani ya chumba. Je ne sais pas comment. Si Dieu qui scanne. Le message qui passe. Ujumbe ambao uko napita. On n'est pas touché pour même se mettre debout. Haiwezi kugusa ili upate kusimama bwima. Parce que le train est en train de décoller. Kwa sababu mashua iko naenda. La parole est en train de prendre la place dans cette église. Na iko naenda inachukua nafasi ndani ya kanisa. Et nous devons aussi nous connecter. Nasi napasha tujambatane. Si on ne se connecte pas. Kama tujambatane. Bien aimé. Mpendwa. Même un téléphone. Ata sim. Lorsqu'il est arrivé à 0%. Wakati nafika mwisho yake 0%. Si on le branche pas. Kama toa uichomeke tena. Il ne s'allumera pas. Haistawaka pana. N'attends pas que. Apana kuchunga pana. L'huile qui est en toi. Mafuta iko ndani yako. Puisse vraiment se volatiliser. Ipate kuisha yote. Que l'huile ne se frite pas. Que l'huile ne se frite pas. Mafuta isipase kumalizika. Tu as besoin de l'huile. Unahitajia mafuta. Si l'huile cesse. Wakati mafuta yanakauka. Parce que toi tu te sens être plein. Na wewe unajiona kusema uko umekuchaza. Il arrivera un temps. Kutafika wakati. Tu auras besoin de cette huile. Utahitajia mafuta ile. Et ça sera trop tard. Na itakuwa nyuma. Mais moi je demanderai à ce que. Na nitakulomba. Et moi et toi. Hata wewe na mimi. Que nous puissions vouloir. Tupate kutamania. Garder toujours le bon dépôt. Kuchunga tu akiba nzuri. Que Dieu a déjà déversé sur nous. Na mafuta Mungu ile sakuanga juu. Tu as une huile. Uko na mafuta. Cette huile fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Ile mafuta iko nafanya wewe kile unakuwa leo. Tu es choriste. Mafuta iko nafanya mwimbaji. Il fait de toi protocole. Mafuta iko nafanya mlinda amani. Il fait de toi intercesseur. Mafuta kona fanya mwombezi. Mafuta kona fanya evangéliste. Mafuta kona fanya mpasha habari. Mafuta kona fanya instrumentiste. Mafuta kona fanya mtu kutula binanda. Mafuta isikuse. Ou manamuke. Le prophète lui demande. Donc elle demande à ses fils plutôt. Et qu'on a lu ce qu'on a voit encore un autre vase. Il n'y avait pas de vase. Pourquoi? Parce que tous les vases étaient remplis. Laisse le vase remplir lui-même. Et c'est Dieu qui donne la forme. On n'est pas encore arrivé. On a besoin de Dieu. Ne limitons pas l'action de Dieu dans notre vie. Parce que Dieu continue encore à agir. Il continue encore à te visiter. La Bible déclare. Nous devons aller jusqu'aux extrémités. Peut-être ta renommée c'est dans ta parcelle. Peut-être ta renommée c'est seulement dans ton quartier. Peut-être ta renommée c'est peut-être là où tu travailles. Mais tu as besoin d'une renommée qui aura jusqu'aux extrémités. Rappelez-vous d'Ézéchiel 47. Ézéchiel 47. Le torrent Bahari a commencé dans le temple. Il y a un endroit qui est répandu partout. Que l'onction ne puisse pas diminuer. L'onction qui va faire ta renommée. Il t'a fait un cafou. Que chacun se mette à son travail. Qu'il a monté à Dieu que connaît kazi yake. Il y a deux gloires. Kuna wafalme wawili. Dans la Bible. Dans la Bible. Deux gloires. Utukufu mbili. La gloire de la première maison. Utukufu wa nyumba ya kwanza. La gloire de la deuxième. Na utukufu wa nyumba ya pili. On dit qui sont les survivants. Asema ni wanani wale waweza kuishi. Qui ont vu cette maison dans sa première gloire. Wariona kuweza kuona hii nyumba kuita utukufu. Wapendwa. Il ne faut pas se contenter la première gloire. Hapana tu kufurahikia na utukufu wa kwanza. Kuna kwa utukufu wa pili. Il faut entrer dans la deuxième gloire. Na inafasali kuingia utukufu wa pili. Il ne faut pas contenter de ta première gloire. Hapana tu kujifurahikia na utukufu wa kwanza. Haitoshi hapa. Mais tu as besoin qu'on puisse aussi parler de ta deuxième gloire. Inamaanisha wapate tena kuzungumzia utukufu wa pili. Na Mungu anakupa il ne faut pas les limiter. Ne limitons pas Dieu. Parce que tout ce que tu vois, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Le monde aujourd'hui, c'est le monde des modes. C'est le monde des modèles. C'est le monde des griffes. C'est le monde des marques. Quand vous voyez, chaque fois toutes ces choses sont toujours changées. C'est pour dire que il y a toujours des nouveautés. Cherche à ce que l'onction qui est sur toi se renouvelle de jour au jour. Il ne faut pas laisser l'onction moisir. Cherche à ce que ton onction puisse se renouveler de jour au jour. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous mettre debout. Nous voulons entrer en prière. Dans quelques temps. Mettons-nous debout s'il vous plaît. On a besoin d'implorer Dieu. On en a assez. Tunachoka. Délimiter Dieu dans nos vies. Il a besoin aujourd'hui que Dieu fasse quelque chose sur toi. Mais le mode opératoire de Dieu n'est pas naturel. Il est surnaturel. Voilà comment Dieu est en train d'agir. Une femme qui perd le sang. Dieu, Mungu, il prépare un chemin. Et le chemin qu'il prépare, c'est son mode opératoire. Il aurait fallu qu'il puisse rencontrer avec cette femme pour que la femme puisse être guérie. Tu vas prier ce soir que Dieu accélère ta bénédiction, que Dieu précipite ta guérison. Tu es malade là où tu es. Tu es malade là où tu es. Que Dieu puisse vraiment précipiter ta guérison. Que Dieu puisse accélérer vraiment ta promesse. Ta bénédiction. Et ce soir c'est possible. Nous allons entrer en prière. Prions bien-aimés. Demande ta guérison ce soir. Demande ta guérison ce soir. Que Dieu te fasse entrer dans l'effectivité de ta bénédiction ce soir. Parce qu'il t'a déjà promis. Oh Dieu de gloire, Dieu de toute grâce. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu n'es pas limité par le temps. Tu n'es pas limité par les circonstances, Seigneur Jésus. Tout a t'appartient, ô Dieu de gloire. Oh, jamais les doutes, papa, ne peuvent pas te limiter. Jamais mon autosuffisance ne peut pas te limiter. C'est pourquoi, Père, en venant vers toi, je sais que tu es celui qui accomplit, papa, sa parole. Accomplis ta parole sur moi. Accomplis ta parole sur ma vie. Accomplis ta parole sur mon travail. Au nom puissant de Jésus, toi qui es capable, Père, mon kababa. Oh Jésus Christ, tu es Dieu. Ce soir, Seigneur, tu n'as pas de tête de personne. Tu n'es pas incapable, Père. La Bible déclare, ce qui est impossible à l'homme, cela est possible à Dieu. Le Dieu de toute impossibilité. Je t'invoque en ce lieu. Ta maison, Seigneur, maison de prière. Là où tu as dit, quiconque vient dans ta maison, lorsqu'il dit de toi, toi Dieu, Dieu de cieux, tu vas écouter. Tu vas exaucer, exauce ma prière, ce soir Seigneur, accélère Jésus ma bénédiction, accélère ma bénédiction Seigneur, accélère ma bénédiction Dieu, oh Jésus Christ Dieu de gloire, oh Saint-Esprit, au nom de Jésus Christ Père, précipite ma guérison Seigneur, au nom puissant de Jésus, dans le travail, dans ma vie Seigneur, dans ma maison, il y a toi Seigneur, capable de donner la vie, capable de donner la vie, là où est ton pas. Là où il n'y a pas de vie, on t'appelle le prince de vie. Et tu as fait en sorte que tu puisses mourir pour que le premier ait la vie. Et que soit dans l'abondance. L'abondance, Seigneur, ne vient que de toi. J'ai Saint-Esprit, je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Dieu. Je n'ai que toi, Jésus. Oh, puissant de Jacob. Oui, bien-aimé. Les Israélites se voyaient vraiment comme des sauterelles parce qu'ils avaient peur des Égyptiens. Toi, Israël, chasser tout ennemi de ta vie. Tout celui qui ne veut pas que tu sois dans la joie. Tout celui qui complique la situation dans ta famille. Tu vas les chasser de ta vie. Celui qui est à moi est plus fort. Avec Jésus, tout est possible. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Et invoque et chasse l'ennemi qui te perturbe. Prions le Seigneur. Oh Dieu de gloire, Dieu de grâce. Père tendre, en vertu de l'autorité, en vertu du pouvoir que tu m'as confié. Ce soir, Saint-Esprit, je m'en dirai détruit, anéanti, Seigneur, tout celui qui s'est levé dans ma vie, tout celui qui cherche à troubler ma quiétude. Qui cherche à trouver ma paix, qui cherche à trouver ma joie, qui cherche à trouver ma vie, ma maison, mes enfants, les études, le travail, ce soir, au nom de Jésus-Christ, Baba tu m'as pris ta foyer à quatre, où tu en es gagné chez moi, où tu te couches de papa, qui soit allé en paix, que le projet tombe, au nom de Jésus-Christ, lève-toi ce soir, Yahweh Yahweh, qui soit renversé, qui soit renversé, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Seigneur, oui, nous allons prier. Nous allons renverser les ennemis de la source féconde. Allez, vos tebe qu'on a tout mis quand j'ai commencé la source féconde. Tout est bangoucha mangari via l'eau. Qui qu'ils soient à la place ils sont, leurs pensées, leur esprit, tout a été détruit au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Oh Dieu de gloire, je recommande l'église. Papa, source féconde. Cette église, Seigneur, c'est ta maison. Elle est appelée à aller de l'avant. Elle est appelée, Seigneur Dieu, à germer. Elle est appelée, Seigneur Dieu, à enfanter. L'exauce fait bon. Toi, enfanter. Oh, puissant de Jacob. Pas de bon Dieu, la comalie, chacalissa. Pas de bon Dieu, la longue, pacalissa. Bon Dieu, la comme macho. Bon Dieu, la comme macho. Esprit à votre aïe détruit. Esprit à votre aïe détruit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Saint-Esprit. Yahweh qui soit anéanti. Que le projet échoue, Seigneur. Les mauvaises langues. Les mauvaises paroles, au Saint-Esprit, Mayangusha Mandele Yahweh, Kati Kachina la Yesu, Kati Kachina la Yesu, Baba, quel que soit le nom, quel que soit la taille, quel est le Seigneur, qu'il soit en vie, au nom de Jésus, au Saint-Esprit, merci Jésus. Bien-aimés, nous allons prier que le Saint-Esprit fasse son travail dans cette église. Commençant par la chair, jusque dans nos vies, dans nos maisons. La Bible déclare, c'est comme l'huile répandue sur la tête d'Aaron, qui descend jusque aux genoux, jusqu'aux plantes de pied. Nous voulons aussi que l'onction de Dieu dans cette église remplisse la chair. Que l'onction du Saint-Esprit remplisse l'église, remplisse nos maisons et que nous puissions être forts pour briser les ailes de l'ennemi. Prions le Seigneur. Oh, sois béni, Seigneur. Que le Saint-Esprit de Dieu, que l'onction de Dieu ne manque pas, que l'église soit archi-comme. Remplis, Seigneur Dieu, le mal. Remplis ce soir, Seigneur Père. Remplis ce soir le bas. Remplis mon frère. Remplis ma soeur. Remplis tout un chacun. Au Saint-Esprit, c'est l'huile fraîche. Que l'onction commence, Père, à couler, Papa, de la chair, à se répandre, Dieu, dans toute l'église ce soir. Et que l'église, Seigneur, oh Jésus, soit vraiment béni. Que nos maisons, Seigneur, soient aussi multiples pour la gloire de Dieu, Seigneur. Bien-aimés, nous sommes toujours en prière. J'ai aimé le travail de ce soir. Parce qu'il a dégagé des principes. Et quand on a des principes, on peut bien prier. Tous ceux qui travaillent à la chair, donner des principes et des principes qui vont nous aider. Là où tu regardes, c'est là où tu vas arriver. Tu ne peux pas arriver là où tu n'as pas fixé tes regards. Pierre dit à Jésus, Petro anasema na Yesu, si c'est toi, ordonne que je vienne. Kama ni wewe unirusu nipate kuja. Jésus lui dit, viens. Yesu anamwambia kuja. Quand Pierre commence à venir, wakati Petro alianza kwenda, il regarde au vent, anatazama sehemu ingine, il a commencé à couler. Na akaanza kuomba. Je voudrais que tu pries. Napenda upate kuomba. Que tu regardes dans ta vie, ya kusema kuangalia kwako mu maisha, sois fixé seulement sur le Seigneur. Il y aura d'autres choses à côté, c'est vrai. Mais chaque fois, le matin, midi, soir, fixe tes regards sur le Seigneur. Et sur la parole de Dieu. Frères et sœurs, même ce qui a limité les enfants d'Israël, ils ont fixé les regards sur les géants. Ils ont écouté les paroles des géants. Aujourd'hui, fixe les regards sur le Seigneur et écoute les paroles du Seigneur. Élève ta voix, prie pour toi-même. La plupart des temps, c'est nous-mêmes. Les sorciers n'ont pas de problème. Ils seront toujours là. Et si tu comprends bien les principes de Dieu, tu seras élevé au-dessus d'eux. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur, nos regards fixés sur toi. Fais grâce à ton peuple. Fais grâce à l'Église. Fais grâce, Seigneur. Ce soir, que mes regards soient fixés sur toi, malgré les tempêtes, malgré les vents contraires, dans ma vie, dans ma maison, mes regards fixés sur toi. Oh, cette femme qui avait la peine de sang a compris. Je vais aller, je vais le toucher. Je vais le toucher. Le jour où tu atteins le Seigneur par la foi, c'est le jour où tu as la solution à ton problème. Le jour où tu atteins Jésus par la foi, c'est le jour où tu as la solution à ton problème. Il n'y a pas un problème d'agitation, frère. C'est le jour où tu atteins Jésus par la foi. Même toi-même, c'est aujourd'hui là. C'est la solution à mon problème. C'est pourquoi je veux que tu pries. Quel est ton problème? Tatis wako nini? Jésus est là. Yesu kwa. Ça ne dépend que de toi. Alléluia. Ça ne dépend que de toi. Inakuelekea paka wewe. Ta voix. Nanyo sauti yako. Prie le Seigneur. Omba Bwana. Au nom de Jésus. C'est toi la solution. C'est toi la solution. Je veux te voir dans ma situation. Je veux te toucher. Tu n'es pas limité. Tu es la provision. Tu es la provision pour guérir. Tu es la provision pour guérir. Tu es la provision pour bénir. Tu as la capacité de bénir. Tu as la capacité d'élever. Oh, et une vision positive des choses. Une vision positive. Ça dépendra de certaines batailles, certaines prières. Ta vision va t'amener à ta promesse, frère. Une vision positive. Quelles que soient les situations de ta vie. Ingawa maali ya maisha yako. Tu remercies le Seigneur. Apenda mshukuru Mungu. Et que tu pries pour cela. Élève ta voix, commence à remercier le Seigneur. Nanyo sauti anza mshukuru Mungu. Remercie le Seigneur. Anza mshukuru. Au nom de Jésus de Nazareth. Mujina la Yesu Kristo wa Nazareth. Donne-nous à chaque fois une vision positive. Alléluia. Dans notre vie, dans toutes les situations de la vie, nous nous recommandons à toi, Seigneur. Sois béni. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé.